Bon, on fait quoi pour le divorce ? Bah, je garde la maison. Et la voiture ? Pas question. Pas l'Apollo. Bah, c'est ma voiture. Alors, je veux plus divorcer. Thomas, je t'en prie. Mais je t'aime. Thomas ! Quoi ? Si, je t'aime, je te re-aime. Non, mais ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Allô ? Mon amour ? On ferait tout pour une Volkswagen. En ce moment, l'Apollo est à partir de 160 euros par mois. Déduction faite de l'aide à la reprise Volkswagen de 2500 euros. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 1620 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, découvrez le détail de toutes nos offres sur Volkswagen.fr. C'est Jean Lebrun qui vous présente le bonus que nous proposons à nos abonnés chaque semaine. Aujourd'hui, en contrepoint de l'émission consacrée à Charlotte Perriand, à l'occasion de l'exposition de la Fondation Vuitton, voici une interview d'elle recueillie par Paul Chavas, où est évoquée une autre exposition. Charlotte Perriand était à ses quasi-débuts, c'était en 1935. J'avais introduit dans cette exposition, pour la première fois, un fauteuil en paille et en bois taillé à coups de charpette. Ce fauteuil était à l'époque très économique. Ce qui m'en avait donné l'idée, c'était un marchand de chaises de paille à côté de la place Saint-Germain-des-Prés. Et il faisait fabriquer ses sièges et ses fauteuils dans les prisons. Et je lui ai fait un dessin pour lui demander de me fabriquer ce fauteuil. Il était très confortable. Bien sûr, il était coupé à coups de charpette parce qu'il n'y avait pas les machines qu'il fallait, mais c'est peut-être ce qui lui donnait son authenticité en quelque sorte. Bon, c'était probablement une exploitation quand même d'une main-d'œuvre bon marché. À l'époque, toutefois, la paille était bon marché. Il a été édité pendant la guerre à Grenoble et ensuite par une autre maison en Dordogne, par Santou. Et Léger, quand il a voulu un siège confortable, il m'a demandé mon fauteuil. J'avais deux fauteuils. L'un qui était original, fabriqué dans les prisons, et l'autre qui était fabriqué ensuite pour l'édition. Il ne s'est pas trompé, il a pris celui qui avait été fabriqué dans les prisons, qui était beaucoup plus près de la patte de l'homme que les autres. Ce qui m'étonne, Charlotte Perriand, c'est que là, il y a tout d'un coup un retour à la matière traditionnelle et à l'artisanat traditionnel. Alors, ce goût pour les matières nouvelles, pour notre temps, l'industrie ? Eh oui, bien sûr. C'est une provocation, hein. Je l'avais fait exprès, tout compte fait. Parce que, depuis le temps, bien sûr qu'il faut utiliser les techniques nouvelles, mais vous voyez, depuis que j'avais écrit, je ne sais plus, bois ou métal, c'est ça, où je faisais toute l'apologie du métal contre le bois. Bon, il faut avoir des réactions comme ça, sinon on ne ferait rien dans la vie. Je pense que chaque matériau est utilisable dans la véracité de son matériau, et que par conséquent, il ne s'exclut pas, il se complète. Et c'est pourquoi j'ai fait ce siège en bois, parce que j'ai admis que le faisant, je n'avais pas du tout dérogé ni à l'usage, ni à la technique, puisque j'avais utilisé la technique sans machine et sans rien. J'imagine qu'on retrouve là aussi un de vos goûts personnels, le goût que vous avez pour la montagne et la vie rustique. Est-ce que je me trompe ? J'ai toujours admiré, lorsque je me suis baladé en montagne, les bergers sculptent même leurs chaises. Ils les font avec leurs couteaux et le bout de bois qu'ils trouvent. Et ce qu'ils font, c'est authentique. C'est aussi authentique qu'une chose que je vais faire dans une usine si je tiens compte parfaitement et de la technique et de l'usage. Cette période 1927-1937 à l'atelier de Le Corbusier a été très riche pour vous, mais pour tous. Je dirais presque pour Le Corbusier aussi. Cependant, vous êtes parti un jour. Ah, bien voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se détacher. Ça ne s'est pas fait en une fois. C'est, disons, comme les choses. Un concours de diverses circonstances qui font qu'à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de reprendre ma liberté totale de l'atelier Le Corbusier. J'ai pas dit Le Corbusier, ni de Pierre Jeanneret. Je dis de l'atelier Le Corbusier. On veut s'affirmer soi-même, probablement. Et puis, peut-être que le fait de vivre trop longtemps, avec des êtres exceptionnels même, fait que, eh bien, peut-être ça ne peut pas être plus beau. Et que dans ce cas, au moment où on sent que ça ne peut pas être mieux, eh bien, il vaut mieux s'en aller. Et je crois que là, je suis comme un petit peu comme les Japonais, sans connaître leur système, à l'époque, quand chez eux, par exemple, à un moment donné de leur histoire, je crois que ça peut se passer encore aujourd'hui, que lorsque deux s'aiment profondément, eh bien, ils pensent qu'à un moment donné, aller au-delà, ça ne sera pas mieux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? À ce moment-là, ils vont se jeter dans un volcan ensemble, pour que ce moment ne soit jamais altéré. Eh bien, je suis peut-être parti de Le Corbusier pour que ce moment ne soit pas altéré. Ce qui était une erreur, parce que ça a dû quand même altérer un peu les choses. Mais quand on est jeune, eh bien, on est virulent, on est sans pitié, on détruit aussi. Puis on se détruit aussi. Charlotte Perriand, il y a eu un grand épisode de montagne avant la déclaration de guerre de 40. Épisode montagne qui se comprend d'autant mieux que vous aimez la montagne à titre individuel déjà. Vous courez beaucoup la montagne, qu'elle ait de la neige ou qu'elle n'en ait pas. Eh bien oui, disons que la montagne a été pour moi un pôle d'attraction et disons un lieu de recréation. J'ai pas dit récréation. Il y a deux choses dans la montagne, c'est-à-dire l'amour que j'ai pu avoir en montagne et les montagnards que j'ai rencontrés, l'effort que l'on peut faire, que l'on fait en montagne d'ailleurs pour la gagner, et qui est une discipline très intéressante et qui très intéressante pour la vie même et pour son propre travail. Parce qu'en montagne, il n'y a que les derniers 10 mètres qui comptent et au fond, ce sont les plus difficiles. Donc, comme discipline de vie, comme éthique, c'est très important. Et je pense que cette conquête de la montagne a eu beaucoup d'influence sur mon comportement dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire, quand les choses sont difficiles, je ne les abandonne pas, je serre les dents, et puis je continue jusqu'à ce que j'arrive au bout, même si c'est extrêmement pénible. Et puis d'autre part, en montagne, j'ai rencontré les montagnards vivant en montagne, des guides, notamment en Maurienne. Je pense au pape Bonneval-sur-Arc, Blanc, qui était un guide absolument remarquable, qui avait fait l'Himalaya avec l'expédition de Mide, et qui m'a appris à gravir la montagne, mais à l'aimer, à la comprendre. Si je ne grimpais pas assez bien, il ne me donnait pas la chance de penser que je l'avais fait. Il tirait sur la corde et puis j'étais telle une araignée au bout d'une corde. Autrement dit, j'évitais cela par la suite. Bon, et puis j'ai fait des courses, des randonnées, des traversées. Je suis allé en Autriche et j'ai abordé là une montagne humanisée avec des refuges vraiment très agréables. Ces refuges étaient gardés, on y avait des omelettes aux myrtilles, des douches, des lieux pour réparer les skis, une guitare pour jouer de la guitare, chanter. Enfin, vraiment, c'était l'expression de la joie de vivre. Tout à fait différent d'avec nos propres refuges chez nous. Ça n'avait strictement rien de commun. On trouvait des refuges, somme toute, plutôt rébarbatifs. C'était des abris pour pas crever de froid. Ce Sakakura, c'était un de vos condisciples chez Le Corbusier, non ? Il faut dire, Sakakura, c'était un condisciple et un ami inconditionnel. Il est resté 7 ans, Le Corbusier, et les 7 années où j'étais moi-même chez Le Corbusier. Chaque année, on pensait il va partir et il ne partait pas. Il a eu des années noires, par exemple, où probablement il ne devait plus recevoir de subventions. Et Sakakura, quand il est parti enfin tout de même, m'a envoyé une carte de Marseille et c'était un cochon où il avait dessiné des larmes et il avait écrit en dessous « Pauvre Saka ». Ensuite, il n'a cessé de m'envoyer des télégrammes « J'arrive à tous les points de retour pour faire le pavillon du Japon à l'exposition de 37 ». Et puis j'étais reparti au Japon et bien, j'ai reçu ce télégramme imprévu, vraiment imprévu, le Japon. Le Japon, aujourd'hui, c'est une chose très connue, très courante, très à la mode, dirais-je même. Hein. Mais pas à cette époque, le Japon. Le Japon, c'était aller dans la Lune, aller au Japon. Et j'hésitais, c'était la guerre tout de même. Et lorsque j'en ai parlé à Léger, que je voyais toujours très régulièrement, Léger me dit mais pas du tout, c'est une occasion qui se représentera jamais, voyons, faut y aller, faut pas la louper, faut pas la laisser passer, cette occasion. J'ai demandé également à Georges Monnet, que j'avais bien connu au ministère de l'Agriculture, et lui aussi me disait, mais non, partez donc au Japon, qu'est-ce que vous allez faire ici, et qu'est-ce qui va nous arriver, vous n'en savez rien, partez au Japon. Alors ma réponse a été, un autre télégramme, j'accepte. Là-dessus, m'arrive une lettre, mais une lettre absolument inattendue. C'était dans le rouleau des papiers japonais. C'est-à-dire, les lettres, c'était des rouleaux de papier, ça pouvait être 10 mètres de long, je ne sais pas, il y a certainement une longueur réglementaire. Et cette lettre, eh bien, c'était un très très beau dessin, très long dessin de Murata, un artiste assez connu japonais, et qui se terminait par « Nous sommes en réunion, on fait la fête pour m'accueillir ». C'est un souvenir merveilleux, inattendu, merveilleux, impensable. Encore même aujourd'hui, quand je la déploie, je me dis « C'est sacré japonais quand même ». Alors après ça, je suis allé à l'ambassade du Japon. Il fallait tout de même que je régularise ce problème, mon départ, la date, le bateau. Oui, en pleine guerre en plus. En pleine guerre en plus. Et Sakakura, toujours très précis, m'avait écrit pour me dire que j'aurais tant d'argent, que je ne me fasse pas d'inquiétude, que je devais apporter mes skis, etc. Plus des documents, bien sûr. Enfin, vraiment, tout ce qu'il fallait pour être heureuse au Japon. Il me connaissait bien. La date était décidée pour le mois de juin. Et justement, au mois de juin, le 14 juin, les Allemands rentraient à Paris. Et le 12 juin, moi, je quittais Paris. Le Japon a réellement été une très grande aventure pour vous. Ça a été une découverte. Ça a été une aventure. Et ça a été une découverte. Ça a été une aventure parce que d'abord, mon bateau, il a fait le contour par l'Afrique du Sud. Et j'ai mis 2 mois et demi pour arriver au Japon. Et puis, je suis descendu. Alors, à Shanghai, j'étais sur mon bateau. Et je reçois un télégramme, ou un téléx plutôt. C'était mon ami Mike Avoy, qui avait été chez Le Corbusier également, avant Sakakura. Et ce télégramme était plus ou moins ainsi rédigé. « Je suis sur tel bateau, il va rentrer dans Shanghai un peu avant toi. Je vois ton bateau et je t'attendrai à Shanghai. » C'était vraiment ça. Le monde de l'amitié est vaste et en même temps tout petit. Eh bien, je suis arrivé ensuite à Kobe, où je suis descendu, car Sakakura est venu m'attendre à Kobe. Et là, blackout. Voilà, que je me trouvais dans un pays où on sentait des possibilités de guerre. Il y avait des exercices de défense passive, qui me paraissaient dérisoires d'ailleurs, parce que c'était la population qui était mobilisée avec des seaux, ils faisaient la chaîne pour éteindre des incendies. Imaginaire, mais il faut dire que c'était des maisons de bois et de papier et de paille, c'est-à-dire des torches en fait. Et Sakakura m'a souhaité la bienvenue et nous sommes allés de là à Tokyo. Sur le moment, le Japon me déroutait. Les bruits au train, au gare, étaient un bruit très nostalgique. Des guettas, c'est-à-dire des espèces de sabots, si vous voulez, mais ce n'est pas des sabots, c'est en bois. Et ça fait sur le sol, clac, clac, clac. Plus la voix japonaise souhaitant la bienvenue aux voyageurs. Tout cela était pour moi une sonorité différente. Et la vision. Je voyais des maisons, des petites maisons de bois, très modestes extérieurement. Je n'avais pas encore compris la grande beauté de ces maisons traditionnelles japonaises. Je n'en voyais que le côté extérieur, c'est-à-dire pas du tout de modernité, tout compte fait. Et je suis arrivé à Tokyo. Et Sakakura venait me voir régulièrement, tous les soirs, me promenant à Ginza ou autre, mais je cherchais toujours Tokyo, parce que pour moi, je ne savais pas dans quel quartier j'étais, si j'étais dans le pourtour de Tokyo, dans le centre de Tokyo, j'étais vraiment perdu. Et je me rappelle avoir dit à Saka, écoute Saka, pour m'y retrouver, tu vas me mener, mettons, sur les grands boulevards. Il me dit, mais tu y es ? Comment j'y suis ? Mais oui, tu y es là, là où tu es là, ben mettons, c'est les grands boulevards. Or, je me trouvais dans des maisons traditionnelles de bois, avec des thés, des petits restaurants, très sympathiques, dois-je dire, mais à deux niveaux.